Innocent Bibonimana sur la mise en onde au micro, c'est Vestine Boutoui. Bonsoir et bienvenue à l'écoute de cette dernière édition de son mercredi le 23 juin 2021. D'abord les grandes articulations. Deux poids, deux mesures dans la mise en application de la décision ministérielle portant démolition des maisons construites anarchiquement à mairie de Bujumbura. Notre reporter a visité certains endroits, il va nous en dire plus dans les détails de ce journal. Et à Rumonge, on parle d'une disparition d'un jeune garçon de l'école fondamentale de Mugomere 2. Depuis hier, Jean-Pierre Misago, notre correspondant depuis Rumonge, raconte les conditions dans lesquelles cet incident s'est produit au cours de ce journal. Et la chroniqueuse de Sommercredit parle des techniques utilisées par les manipulateurs pour convaincre. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonsoir. Les habitants de la ville de Bujumbura sont en train de mettre en application la décision du ministère de l'Intérieur relative à la démolition des bâtiments construits anarchiquement. Dans certains endroits visités par la radio Isanganiro, le constat est que les propriétaires de certaines infrastructures comme les églises, les banques et les hôtels ne répondent pas à cet appel armé de Moutol. En zone urbaine de Buyenzi, de la 1ère à la 25e avenue, les habitants de cette zone sont en train de mettre en application la décision du ministère de l'Intérieur stipulant la destruction des constructions anarchiques. Le même travail se fait dans la zone d'Obgiza sur l'avenue de l'université, mais le constat est que les propriétaires des hôtels semblent ne pas être concernés par cette activité. C'est le même cas dans la zone Nyakabiga où les habitants ne répondent pas massivement à l'appel du ministère de l'Intérieur. Dans les quartiers du nord de la ville de Bujumbura sur la route nationale numéro 1, communément appelée Gare du Nord, jusqu'au rond-point connu sous le nom d'Iwawawanu, les destructions sont accélérées, mais certains hôtels et l'endroit où se trouve l'agence de téléphonie mobile Lumitel, rien n'est encore fait. La situation est pareille dans la zone urbaine de Kamenge, près du marché, où on observe un bâtiment y érigé, abritant la microfinance Mutec, un bâtiment qui semble ne pas respecter les normes de construction. Le même cas s'observe dans la zone Kinama à la 1ère avenue, dans le quartier Muyinga, où un bâtiment commercial est construit jusqu'à la canalisation. Même les églises Pentecôte et Gorgota, se trouvant dans le quartier Bubanza, sont concernées par cette mesure, mais l'on y observe un manque de préparatifs pour leur démolition. Les habitants de la capitale économique Bujumbura, avec qui la radio Isanganiro s'est entretenue, se demandent pourquoi il y a deux poids, deux mesures dans la mise en application de cette mesure du ministère de l'Intérieur. Merci. Armel Moutol, le président du Sénat, Emmanuel Sinzo Hagila, demande l'appui de l'UNICEF pour pérenniser le programme de cette institution de lutter contre les grossesses en milieu scolaire et pour organiser les cantines scolaires dans tout le pays. C'était au cours d'une audience qu'il a accordé son mercredi au représentant de l'UNICEF au Burundi. Écoutez plutôt Gabi Bougaga, porte-parole du Sénat burundais. Très honorable président du Sénat vient de s'entretenir avec le représentant de l'UNICEF au Burundi qui était venu juste pour une visite de courtoisie. Mais c'était une visite qui s'inscrit aussi à présenter à très honorable président du Sénat les activités menées par cette organisation internationale dont le Burundi est membre. Vous savez que l'UNICEF met au centre de tout l'enfant et pour cette raison, donc il fait le suivi depuis la conception de la loi budgétaire et la manière dont le budget de l'État octroie une place importante à l'enfant. Et ainsi organiser des activités de renforcement des capacités pour que cette activité soit bien menée. Pour le président du Sénat, il doit signifier qu'il y a un programme que le Sénat avait initié depuis l'initiative précédente visant à la sensibilisation pour la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Et ce programme était un programme qui était venu justement pour répondre à une préoccupation de la population. Et maintenant, très souvent, le président du Sénat lui a présenté ce programme qui nécessite un appui de la part des partenaires, dont l'UNICEF. Et l'UNICEF donc a accepté que les équipes techniques qui pourront travailler ensemble avec les cadres du Sénat pour essayer de voir comment apporter une pierre à l'édifice dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Il a salué aussi l'implication du gouvernement du Burundi dans le développement des cantines scolaires parce qu'actuellement dans le budget général de l'État, il y a une enveloppe consistante qui a été allouée donc à cette activité. Et très souvent, le président du Sénat a souhaité que l'UNICEF aussi puisse contribuer pour que ce programme puisse couvrir même tout le territoire national. Gabi Bugaga est le porte-parole du Sénat burundais. Ses propos ont été recueillis par Gérard Nibigira, un écolier de l'école fondamentale de Mugomere 2 dans la ville de Rumonge. Est introuvable depuis ce mardi matin. Selon sa famille et la direction scolaire, une femme non encore identifiée lui a demandé de la suivre à partir de la cour de l'école. Et depuis lors, aucune trace des deux personnes. La direction communale de l'éducation de Rumonge ainsi que son parrain ont sollicité la police de Rumonge ce mercredi pour tenter de retrouver ce garçon, Jean-Pierre Misago. La disparition ce mardi matin de ce jeune garçon d'environ 11 ans de la troisième année à l'école fondamentale de Mugomere 2 se situe dans l'intervalle d'entre le salut du drapeau et le début des examens de fin d'année prévus ce jour selon Athanase Manirakiza, directeur de cette école. C'est en effet à ce moment précis, selon ce directeur, qu'une femme avec une voile et une vieille roue sur l'épaule est passée à la cour de cette école à appelé un des écoliers dans la cour qui n'a pas répondu à l'appel. Un deuxième écolier a répondu à l'appel avec un avertissement de ses camarades qu'il fallait revenir aussitôt pour commencer les examens du jour. C'est après avoir constaté que Blaise Igirubuntu tardait à revenir que les enseignants jusqu'au directeur de l'école ont été alertés. Athanase Manirakiza, aidé par certains de ses écoliers de la sixième année trop rapide, se sont mis à la poursuite de leurs camarades, des efforts vains car ils n'ont rien trouvé. Le père de Blaise Igirubuntu a été alerté et toute la journée de ce mardi, aucune trace, même dans la famille. Pour certains parents d'élèves contactés dans la ville de Rumonge, il est urgent de clôturer les établissements scolaires pour contrôler les entrées et les sorties. À la police de Rumonge ce mercredi, le directeur de la commune scolaire de Rumonge, le directeur de l'école Mugomere 2 et le père de ce jeune garçon introuvable depuis ce mardi matin semblait être dépassé par les événements, sollicitant l'intervention policière pour la recherche. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et la Chambre fédérale de commerce et de l'industrie du Burundi a signé ce mercredi une convention de partenariat avec trois universités régionales, dont celle de Ngozi sur la formation entrepreneuriale des jeunes. Denis Chimilimana, secrétaire général de la CFCIB, ajoute que cette convention, préconise le coaching des jeunes entrepreneurs qui ont bénéficié des crédits. On l'écoute. Il a été question de mettre en place une plateforme virtuelle du réseau des entreprises. Il a été question de mettre en place une bibliothèque virtuelle. Mais entre autres résultats, nous avons aussi formé 480 jeunes et femmes entrepreneurs sur 7 modules de base pour permettre aux gens de préparer leurs projets et des projets bancables susceptibles de réussir. Alors, c'est dans le cadre de cette continuité, de cette formation que nous avons assuré à 480 jeunes et femmes entrepreneurs que nous voudrions que les universités régionales, avec les ressources humaines compétentes dont ils disposent, puissent relayer au niveau régional la formation des entrepreneurs pour pouvoir préparer des projets à soumettre aujourd'hui aux banques qui viennent de démarrer, notamment la banque d'investissement pour les jeunes, la banque pour les femmes. Et nous avons un organe, une institution de l'État, le Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement FIGA, qui vient d'être restructuré et redynamisé pour appuyer ces crédits accordés aux jeunes, surtout, et femmes entrepreneurs et aux entrepreneurs en général. Voilà, donc, nous voudrions que ces universités soient nos antennes, assurent le relais de la formation que nous n'avons pas pu achever et surtout qu'ils sont nantis de moyens humains suffisants parce qu'ils disposent de professeurs assez compétents dans les différentes facultés. Mais ces universités aussi vont assurer un accompagnement et un coaching. Vous savez, une fois un crédit accordé, le démarrage d'un projet reste toujours difficile. Isanganiro. Il est 18h passé 11 minutes au studio de la radio Isanganiro. Continuons ce journal. Le gouverneur de la province Moire demande les commerçants de boissons fabriquées par la Brarudi du sucre et du ciment à éviter la spéculation. C'était lors d'une réunion tenue sans mercredi à l'endroit des responsables administratifs, de la police et des commerçants. Cette autorité a précisé qu'une fiche montrant le parcours de ces produits sera instaurée pour suivre de près leur commercialisation. Les détails avec Laurent Dicoulio. Selon le gouverneur de la province Moaro, colonel Gaspard Gassanzwe, il arrive des fois où certains commerçants de boissons Brarudi, du ciment et du sucre s'adonnent à la spéculation. Il précise que certains commerçants cachent certains de ces produits, par exemple les boissons. Le gouverneur de la province Moaro souligne qu'il y a des grossistes qui ne sont pas connus. Il indique que, par exemple, pour le ciment, quand les deux fournisseurs de ce produit l'amènent dans cette province, il y a de nombreux taxis vélos qui viennent le transporter à partir de l'entrepôt et le lendemain, produit n'est plus trouvable. Le gouverneur de la province Moaro indique qu'une fiche montrant le nom du détaillant et la quantité donnée par le grossiste va être instaurée. Cela permettra de suivre la commercialisation de ces produits qui sont par endroits rares. Nyanyuhura Leonidas, un commerçant de boissons Brarudi en commune Lusaka, dit que le transport de ces boissons dans un véhicule d'un privé à partir du méga de Nyakararo lui coûte 500 francs de plus par caisse. Mélance Ilambona, commerçant de sucre de la commune Bissoro, dit que la quantité d'une tonne donnée à chaque commune est très réduite. Le gouverneur de la province Moaro demande aux responsables administratifs et policiers des communes de cette province ainsi qu'aux commerçants de collaborer pour qu'il y ait de l'ordre dans ce commerce. À défaut de quoi, des sanctions vont être prises par les services habilités. De Moaro, Laurent Dicoulio, Radio Isanganiro. Merci Laurent Dicoulio. Et plus de 50 000 ménages vulnérables des provinces Rouyigi, Karusigi, Tegaï, Kirundo ont pu améliorer leurs conditions de vie grâce à l'appui du projet Melangabandi, malgré certains défis relatifs, notamment l'identification des vrais vulnérables au début du projet. Le coordonnateur national de Melangabandi se réjouit de la réussite avant la fin de ce projet de 5 ans qui prendra fin d'ici une année. Écoutez Michel Nyabenda. Le premier pilier, c'est celui des transferts monétaires qui sont réguliers, qui ont été vraiment octroyés aux bénéficiaires pendant la période qui était convenue. Et le deuxième pilier, c'est le pilier des mesures d'accompagnement que nous avons mises en place depuis 2 ans au moins. Et ces mesures d'accompagnement sont vraiment importantes. C'est l'approche combinée des deux piliers qui produit des effets vraiment multipliés. On leur apprend l'éducation financière, on leur apprend l'épargne et le crédit, on leur apprend à planifier et gérer les activités génératrices de revenus. On voit que combiné au transfert monétaire qu'ils ont reçu, ils ont pu faire fructifier réellement le transfert monétaire. Les 40 000 que chaque ménage reçoit tous les 2 mois et en totalité du projet, il reçoit 600 000 francs. On voit actuellement que le capital des ménages est maintenant passé à beaucoup plus que les 600 000 francs. Le capital peut être évalué réellement et on voit qu'il a été fructifié grâce aux mesures d'accompagnement. Il y a des défis de mise en œuvre d'abord pour le démarrage du projet où il a fallu cibler les bénéficiaires et comme vous pouvez le comprendre, il s'agissait de trouver les bénéficiaires les plus pauvres de la communauté. Et nous avons utilisé des méthodes qui ont porté des fruits, mais c'était vraiment un grand défi. On avait un indicateur global pour l'atteinte des objectifs du projet d'atteindre 48 000 ménages et comme vous le voyez, nous finissons le projet avec un nombre de ménages vulnérables assisté de plus de 56 000 ménages. Donc vous voyez que nous avons atteint la plupart des objectifs et nous les avons même dépassés. Les étudiants préboursiers de l'Université du Burundi s'indignent sur la somme de 2 000 francs burundais collectée par la représentation des étudiants. Selon eux, cette somme est destinée au paiement des frais d'authentification des documents en rapport avec le contrat de pré-bourse. Ils expliquent que l'authentification de ces documents n'est pas inscrite dans l'ordonnance régissant le pré-bourse. Et sur ces allégations, la représentation des étudiants affirme faciliter l'activité de collecte de ces documents. Jean de Dieu Irakoze. Ces étudiants préboursiers de l'Université du Burundi s'indignent sur une somme de 2000 francs burundais exigée à chaque étudiant pour paiement du notaire pour authentification des documents en rapport avec le prêt bourse. Ils pointent du doigt la représentation générale des étudiants collectant cette somme. Ces étudiants arguent que l'authentification des documents n'est pas inscrite dans l'ordonnance régissant ce prêt bourse. À côté de cette somme, ces étudiants rapportent également la même somme qu'on leur donne demande pour achat des classeurs. Il se demande si cela incombe aux étudiants. Sur ces allégations, Jonas Msavdimana, représentant général des étudiants, indique que cette activité est personnelle pour chaque étudiant préboursier et que le rôle de la représentation se limite à la sensibilisation à la collecte de ces documents. Concernant la somme qui serait collectée pour achat des classeurs, il le nie, mais espère plutôt l'informatisation des services en charge du prébourse pour faciliter le processus d'obtention de ces documents. C'est une activité qui est en train de se faire, une activité de d'authentification des documents. C'est une activité que je dirais personnelle. Quant à nous, ce que nous faisons, c'est la facilitation. Les documents doivent être collectés par les délégués de classe. C'est un contrat qu'un étudiant doit approuver. Il doit apposer sa signature. On est en train de négocier avec le bureau de bourse de stage d'informatiser ce système de pré-bourse pour que les étudiants ne soient pas toujours demandés d'authentifier, d'aller chercher les documents. Le directeur alors nous a promis qu'on a déjà commencé à concevoir un registre qui va faciliter cette activité. On a espoir alors que l'année prochaine, ça ne va pas être ainsi, tout en espérant que cette application ou bien ce registre sera mise en application pour faciliter cette tâche. Sur cette question liée à l'authentification des documents en rapport avec ce contrat, la direction du bureau des bourses et stages nous a promis de s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Parle, rassure-moi. Les manipulateurs utilisent le mensonge et la vérité à la fois pour convaincre. Théant Tuissabé, enseignant à l'université, explique qu'il est difficile de détecter un manipulateur. Selon cet enseignant d'université, un manipulateur utilise plusieurs stratégies, comme intimidation pour arriver à ses fins. Il appelle les gens à la vérification de l'information pour ne pas tomber dans un piège, Ornella Mouchou. Pour pouvoir convaincre, le manipulateur mélange le mensonge et la sincérité. Théon Tuissabé, enseignant à l'université sur l'éthique et la déontologie, souligne que certains livres comme la Bible est manipulateur et comparé à un serpent suite aux mêmes stratégies utilisées pour déstabiliser. Les manipulateurs, ils sont souvent comparés aux malins. Le malin, dans la Bible, on a parlé du malin comme le serpent. Et on dit que le serpent, il a deux langues. La langue qui dit la vérité et la langue qui dit le mensonge. Alors, quand vous engagez le dialogue avec le malin, parfois vous ne savez pas distinguer s'il a dit la vérité ou s'il a dit le mensonge. Et c'est là où vous êtes roulé. En comparant le dialogue entre Ève et le malin, on a constaté que quand Ève parle, le malin ne répond pas à la question de Ève. En fait, mais Ève ne se rend pas compte qu'il n'a pas répondu à sa question et elle se laisse entraîner dans le chemin du malin. La séduction ou la victimisation, c'est certaines stratégies utilisées par les manipulateurs. Vous savez, d'abord les manipulateurs, ils sont de plusieurs ordres. Il y a des manipulateurs qui veulent vous soutirer de l'argent. Il y a aussi des manipulateurs qui ont des objectifs à atteindre, qui s'organisent pour le faire. Et je pense que parfois, il est difficile de détecter si le manipulateur est à côté de vous. Et c'est pourquoi, pour moi, quand vous avez affaire à une personne, il faut évaluer l'objectif de la rencontre. Et le débat, vous voulez arriver à quoi? Vous visez quoi? Cette personne qui s'invite, il va commencer à vous parler comme si vous connaissiez, il va commencer à vous promettre alors que vous ne vous connaissez même pas. Selon lui, il faut d'abord vérifier avant de s'engager pour éviter de tomber dans le piège des manipulateurs. Ici, ce que je vois beaucoup, c'est des états au Burundi. Je vois les manipulateurs ou les escrocs qui viennent, ils vous parlent et à ce moment, vous lui faites confiance et il va trouver en vous les instruments qu'il va utiliser pour vous jouer. Et c'est pourquoi à ce moment, quand on parle avec ces manipulateurs, il faut être posé d'abord. Il faut d'abord avoir une conscience sûre, être dans le vrai, vivre dans le vrai et essayer de juger l'information qu'on vous donne ou l'information qu'il veut tirer de vous. Il veut en faire quoi? Ça va servir à quoi? Est-ce que la personne qui est avec vous, est-ce qu'il a vraiment une conscience tranquille, comme on peut parler même d'une conscience droite, qui est dans le vrai et qui vise le bien? Parce que à ce moment, certains Burundais ont oublié la notion du bien qu'on trouvait dans l'ubuntu que nous avons légué nos aïeux. Il signale aussi que les manipulateurs ciblent les faiblesses pour pouvoir intéresser afin d'arriver à leur fin. Merci. Ornella Mouchou, ainsi s'achève cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Merci à Inosra Iwanimana pour la collaboration technique. Vestine Boutoui, j'étais à la présentation. Au revoir. Bonne soirée.